3, 2, 1. Ils sont partis. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Good morning, Vietnam! So, back to it. Cours, Forrest, cours! You know nothing, Jon Snow. Bonjour à tous et bienvenue à Programme Double, un podcast qui est diffusé une fois ou deux semaines et dans lequel je vais vous présenter deux films qui sont reliés soit par une thématique, une franchise, un acteur, voire même un réalisateur. Le but de ce podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés, tout en vous racontant certaines anecdotes de la production, le tout enrobé d'une sauce très rétro. Le phénomène des films de super-héros prend aujourd'hui une ampleur jamais égalée dans l'histoire du cinéma et de la télévision nord-américaine. Mais il fut une époque où ce type de long-métrage était complètement ignoré, voire même méprisé et jamais pris au sérieux par un Hollywood qui transformait ses personnages héroïques en de simples amuseurs publics pour un jeune auditoire. C'est dans les années 40 que l'on verra apparaître nos super-héros sur le grand écran à travers ce qu'on appelait des serials. Donc, les serials étaient un long métrage, mais qu'on segmentait en plusieurs parties, dans la majorité une quinzaine de parties, d'environ 15 à 25 minutes, dans lequel on suivait à toutes les semaines une partie de l'histoire. Donc, on avait eu en 1943 Batman et en 1948, il y avait eu le serial de Superman. En 1951, on aura George Reeves qui va interpréter le personnage de Superman pour la première fois dans un long-métrage au cinéma dans le film Superman and the Mole Man. Par la suite, George Reeves va interpréter le personnage de Superman de 1952 jusqu'en 1958 au petit écran. Cette aventure sera suivie par la suite en 1966 lorsque Adam West et Burt Ward vont interpréter le duo dynamique dans la série télé Batman qui durera jusqu'en 1968. Et c'est également en 1966, entre la première et la deuxième saison, qu'on assistera au premier long-métrage sur grand écran de Batman, soit Batman The Movie. Cependant, il va falloir attendre la fin des années 70 et la fin des années 80 pour voir ces deux personnages prouver à Hollywood qu'il était possible de réaliser des œuvres cinématographiques avec sérieux et de grande qualité, mais également de voir que ces personnages mythiques pouvaient également être extrêmement lucratifs. Aujourd'hui considérés comme une source de revenus importante dans les diverses compagnies de production de la Californie, Superman The Movie et Batman 1989 seront deux œuvres extrêmement importantes dans l'histoire du cinéma et changeront à jamais notre vision du film de super-héros, vision devenue essentielle pour plusieurs studios dans le monde du cinéma de ce début du 21e siècle. Donc, mettez votre cap, n'oubliez pas votre cagoule, car je vous transporte dans un univers super-héroïque où Superman et Batman changeront notre vision de ce qu'est le film de super-héros. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Delicious things to eat. The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Well, beauty of the country seat. An old mill still turns. The young folk dance round the maple, and the ancient ceremony of feasting on the village green is a tradition of centuries. Today, the barbecue, the new idea in party giving, brings this custom up to date. With cigarettes, too, there's the new way, Rothman's King Size. Rothman's invented king size for cool, smooth smoking. Extra length, finer filter, and the best tobacco money can buy give you the real king size flavor that satisfies. Rothman's, the king size name for cigarettes. For our patrons, men, women, boys, girls, through the cooperation of leading business places, you may now have free admission to this theater. Ask for dividend tickets when you shop at... Names of merchants who give dividend tickets are listed in the lobby of the theater and on circulars at the concession stand. Dividend tickets will be accepted on all standard box office priced films. So take a circular with you today and start saving dividend tickets tomorrow when you shop. See your next movie completely free. Rated X. Get more out of life. Go out to a movie. My friends, I'm not given to wild, unsupported statements. And I tell you that we must evacuate this planet immediately. Jor-El. Be reasonable. Once there was a civilization, much like ours, but with a greater intelligence, greater powers, and a greater capacity for good. In one tragic moment, that world was destroyed. But there was one survivor. Now, wouldn't that beat all get out? Because of the wisdom and compassion of Jor-El, because he knew the human race had the capacity for goodness, he sent us his only son. His name is Kal-El. He will call himself Clark Kent. But the world will know him as Superman. This year, Superman brings you the gift of flight. Superman, the movie. Pour commencer cette émission aujourd'hui, donc, je vais parler de Superman The Movie, ou Superman tout simplement, un drame de science-fiction qui a été produit par les studios Warner Brothers et qui est sorti en salle le 10 décembre 1978. Superman est un film américain, britannique, canadien et suisse d'une durée de 143 minutes. Pourquoi tous ces pays? Bien, tout simplement parce qu'on avait besoin de sous du côté des Salkins, mais je vous expliquerai ça dans quelques instants. Fort d'un budget de 55 millions de dollars, le film va amasser plus de 300 millions de dollars au box-office, faisant de Superman le plus gros film à succès de l'histoire de la Warner Brothers, un film dont le succès ne sera battu que quelques 11 ans plus tard avec l'autre film dont on va parler aujourd'hui, soit Batman 1989. Au niveau de la réalisation, on retrouve Richard Donner, ce metteur en scène américain qui nous a donné Lethal Weapon, Lady Hawk et The Omen. Au niveau de la scénarisation, il faut souligner le nom de Mario Puzo, qui a quand même écrit le scénario de base, mais c'est surtout Tom Mankiewicz qui a écrit la version finale du scénario, même si celui-ci n'est pas crédité au final de la scénarisation. Au niveau de la production, eh bien, ce sont les Sulkin qui sont derrière ce film, avec leur partenaire Pierre Spengler. On parle ici d'Alexander et Lia Sulkin, le père et le fils qui nous ont donné la fameuse saga des 3 et des 4 mousquetaires, donc The Three and the Four Musketeers. Au niveau de la distribution, eh bien, il faut souligner Marlon Brando, Gene Hackman, Christopher Reeve, Jeff East, qui faisait le jeune Clark Kent, Ned Beatty dans le rôle d'Otis, Jackie Cooper qui faisait le personnage de Perry White, Glenn Ford, Phyllis Thaxter, Margot Kidder, Valerie Perrine, Susanna York et Mark McClure dans le rôle de Jimmy Olsen. L'histoire de Superman, eh bien, ça commence sur la planète Krypton, alors qu'après avoir exilé le général Zod et ses deux comparses, Jor-El est confronté au gouvernement de son monde qui refuse sa théorie que la planète Krypton est sur le point d'être détruite par leur soleil. Ayant promis que lui et son épouse ne quitteraient pas Krypton, eh bien, Jor-El va quand même construire une fusée, y mettre son enfant, Kal-El, qu'il va envoyer dans l'espace en direction de la Terre. Bien sûr, Krypton sera détruite et Kal-El va traverser l'espace et se rendre sur Terre où il va être adopté par un couple qui vont l'élever comme s'il était leur enfant, malgré le fait que Kal-El semble posséder des pouvoirs surhumains. À l'adolescence, suite au décès de son père, Kal-El va être réveillé par un cristal qui se trouvait à l'intérieur de son vaisseau, ce qui va l'amener au pôle Nord et ce qui va lui permettre de construire sa forteresse de solitude où il va rester pendant plus de 12 ans à devenir l'être que l'on va connaître par la suite sous le nom de Superman. 12 ans plus tard, on se retrouve à Metropolis. Clark Kent arrive au Daily Planet et fait la rencontre de Lois Lane. Superman va être présenté pour la première fois au monde entier, alors que, en arrière-plan, le criminel Lex Luthor prépare un plan de destruction massive afin de pouvoir s'approprier des terres du côté des États-Unis et faire une fortune incroyable et se créer un nouvel empire du crime. Superman a été créé par DC Comics en 1938. Avant que Superman 78 ne vienne au monde, la dernière adaptation cinématographique d'un super-héros sur le grand écran remontait en 1966 avec Batman The Movie. Donc, lorsque Alexander et Lia Sulkin décident en 1973 de produire un film sur Superman, bien c'est sûr que la première réaction de Warner Brothers, qui se rappelait à ce moment-là de l'aspect campy et un petit peu enfantin de Batman The Movie en 1966, n'avait pas vraiment un bon œil de faire un film sur Superman, se disant qu'il est impossible de prendre ce super-héros-là et de le mettre sur le grand écran d'une façon crédible, sans que ça tombe dans un certain ridicule. Pourtant, en 1974, après une année très difficile, les Sulkin vont finalement s'entendre avec la Warner pour justement adapter une version cinématographique du personnage de Superman. C'est à la même période que les Sulkin vont produire avec Pierre Spengler la duologie des 3 et des 4 mousquetaires. Dès le départ, on va signer un contrat de ce qu'on appelle un négatif pick-up avec la Warner Brothers. Qu'est-ce qu'un négatif pick-up? Ce que ça fait, c'est que tous les coûts de production sont à la charge du producteur, Warner Brothers n'ayant signé que pour la distribution du film. Les Sulkin doivent, dès le départ, commencer à trouver une façon d'aller chercher des montants d'argent importants. La première idée qu'on a, bien, c'est d'aller chercher deux gros noms au niveau de la production. C'est pour laquelle on va aller chercher tout de suite en partant Mohamed Ali, Al Pacino, James Caan, Nick Nolte, John Voight, Steve McQueen, Clint Eastwood, Burt Reynolds et même Dustin Hoffman pour jouer le personnage de Superman. Même Robert Redford s'est vu offrir une forte somme, tout comme un certain Sylvester Stallone qui a été repoussé par Marlon Brando, qui va rentrer par la suite, trouvant le dernier un petit peu trop italien pour le rôle. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que pour une très large partie de sa carrière, Sylvester Stallone va en vouloir quelque peu à Marlon Brando parce qu'il considère que Marlon Brando y a coûté le rôle de Clark Kent. Paul Newman, à un certain moment donné, s'est vu offrir le personnage soit de Superman, Lex Luthor ou même Jor-El pour la modique somme de 4 millions de dollars. Mais Paul Newman va refuser et c'est à ce moment-là qu'on va se retourner vers un certain Marlon Brando qui lui va accepter un salaire de plus de 3,7 millions de dollars, plus 11,75% des recettes au box-office pour seulement 12 jours de tournage. Par la suite, on va se retourner vers un autre acteur de renom, qui va être Gene Hackman, qui avait eu l'Oscar du meilleur acteur en 1971 pour son personnage de Jimmy Popeye Doyle dans le film The French Connection de William Friedkin. Et donc, on peut se concentrer à la recherche d'un scénariste. Bien sûr, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se tourner vers Mario Puzo, qui, lui, avait écrit en 1973 le scénario du film The Godfather, Le Parrain. Puzo va écrire un scénario de plus de 500 pages, mais ce qui est important de comprendre, c'est que le scénario incluait deux films, parce que les Salkin, fort de leur expérience des Trois Mousquetaires et des Quatre Mousquetaires, avaient déterminé que c'était beaucoup plus rentable pour eux de faire deux films, donc de tourner Superman et Superman 2 en même temps, ce qui sauvait beaucoup de frais au niveau des décors. Puzo va donner aux Salkin en juin 1975 son premier draft de scénario, que l'on considérait du côté des Salkin peut-être un petit peu trop long et beaucoup trop détaillé. Donc, Puzo va, à ce moment-là, en octobre 1975, donner sa deuxième version du scénario. Mais lorsqu'on va demander de réécrire à nouveau une troisième version, Puzo va dire « Je vous ai écrit ce que j'avais à faire, maintenant je me retire. » Et c'est à ce moment-là qu'on va aller chercher Robert Benton et David Newman, qui, eux, vont retravailler le scénario de Puzo et amener des affaires un petit peu plus loufoques et aussi un petit peu plus ridicules, un peu à la Batman 66. Il faut se rappeler que, pour ceux qui ne connaissent pas David Newman et Robert Benton, c'est eux qui avaient écrit l'espèce de musical en 1966 de Superman qui s'intitulait « It's a Bird, It's a Plane, It's Superman ». Avec un scénario de base de 500 pages écrit et, bien sûr, deux gros noms, maintenant, il s'agit de trouver le metteur en scène et c'est donc Guy Hamilton qu'on va aller chercher. Guy Hamilton qui nous avait donné « Goldfinger »,« Diamonds Are Forever »,« Live and Let Die » et surtout « The Man with the Golden Gun ». Donc, un homme qui était associé au film de James Bond et qui était également associé à des grosses productions. Au début, on est supposé filmer Superman en Italie, mais à cause d'un incident qui est survenu avec Marlon Brando, qui faisait en sorte que celui-ci avait un mandat d'arrestation contre lui, situation qui était survenue sur The Last Tango in Paris, eh bien, la production a dû, à ce moment-là, s'en aller à Londres, où M. Hamilton, lui, était poursuivi pour ce qu'on appelle un « tax exile », c'est-à-dire une personne qui doit de l'argent au niveau de ses taxes. Et donc, M. Hamilton n'avait pas le droit de vivre plus que 30 jours dans une année en Angleterre, ce qui ne lui donnait pas la possibilité de pouvoir réaliser la production, puisqu'on s'attendait quand même à plusieurs mois de tournage. Après s'être arrêté sur Mark Robson, le réalisateur de Earthquake, tremblement de terre, eh bien, Robson, lui, se sent pas à la hauteur du projet et décide de parler d'un certain Richard Donner qui venait justement de mettre au cinéma le film The Omen, qui avait eu un certain succès. D'ailleurs, Donner devait à ce moment-là réaliser la suite The Omen, soit Damien Omen 2, mais il reçoit un appel d'un des Salkin qui lui dit « Écoute, je te donne $1 million pour la réalisation de deux films », ce à quoi Richard Donner dit « D'accord, j'accepte ». Donner va prendre le scénario de Mario Puzo, qui avait été retravaillé, bien sûr, et va contacter un de ses amis, Tom Mankiewicz, qui lui avait déjà travaillé avec Donner sur The Omen. Et les deux hommes vont tout simplement retravailler le scénario et prendre le scénario de 500 pages et le diminuer à un scénario de 400 pages pour deux films. Arrive à ce moment-là la situation la plus difficile, puisqu'on a passé à travers plus de 200 acteurs, connus ou inconnus, pour essayer de trouver un Superman et on n'est pas capable de trouver personne. Le casting director Lynn Stallmaster, lui, va suggérer Christopher Reeve très tôt, mais Richard Donner et les Salkin vont trouver qu'il était trop petit, trop skinny. Il faut dire qu'à ce moment-là, Christopher Reeve faisait 170 livres. Mais Stallmaster va continuellement remettre la fiche de Christopher Reeve dans la pile des acteurs qu'on doit rencontrer pour le rôle. Et finalement, Donner, tanné, va dire « Bon, écoute, on va accepter de le rencontrer, d'y faire une audition. » Dès la première phrase que Christopher Reeve va dire lors de son audition, il va acquérir le personnage de Superman, car Donner ainsi que les Salkin sont convaincus qu'ils ont trouvé l'acteur parfait pour jouer le rôle. Au niveau de Lois Lane, même chose, on va passer à travers plus d'une centaine de jeunes actrices pour finalement arrêter le choix sur Margot Kidder parce qu'on trouve justement que la chimie entre Margot Kidder et Christopher Reeve est idéal pour le type de film qu'on veut donner, Margot Kidder ayant un petit style un petit peu loufoque. D'ailleurs, ce qui va un petit peu irriter pendant le tournage Christopher Reeve, parce que Christopher Reeve était vraiment un acteur qui prenait très au sérieux son rôle, alors que Margot Kidder aimait beaucoup faire des blagues sur le plateau de tournage et ça lui a apporté beaucoup de tension. D'autres tensions qui sont survenues sur le plateau de tournage, bien, ça s'est passé surtout entre Richard Donner et les Salkinds, parce que les Salkinds trouvaient que Donner prenait beaucoup de temps pour sa production, alors que Richard Donner, de son côté, prétendait que personne ne lui avait donné de budget, ni même de délai au niveau de la production. Le seul délai qu'on avait, c'est que les séquences de tournage pour Gene Hackman et Marlon Brando devaient se faire avant une date X, parce que les deux comédiens étaient très en demande sur le marché. Petite anecdote d'ailleurs entre Richard Donner et Gene Hackman. Gene Hackman, au moment où il a obtenu le rôle de Lex Luthor, avait une moustache. Et Gene Hackman ne voulait pas couper sa moustache. Richard Donner avait également une moustache. Richard Donner avait déjà, à plusieurs moments, approché Gene Hackman pour couper sa moustache pour interpréter le personnage de Lex Luthor parce qu'il ne pouvait pas concevoir un Lex Luthor avec une moustache. À un certain moment donné, Richard Donner va faire un deal avec Gene Hackman, va dire à Gene Hackman, écoute, si t'acceptes de couper ta moustache, je vais couper la mienne. Ce à quoi Gene Hackman a rétorqué, c'est de bonne guerre, j'accepte. Alors, Gene Hackman coupe sa moustache, se présente sur le plateau de tournage, mais voit que Richard Donner a encore sa moustache. Et il dit à Richard Donner, Dick, il faut que tu coupes ta moustache. Ce à quoi Richard Donner va tout simplement dire, t'as tout à fait raison, et il va tout simplement prendre sa main droite et enlever la moustache qui était une moustache artificielle qu'il tenait depuis le début. Hackman a été sur le coup choqué, mais finalement a bien aimé la situation et a accepté de continuer le rôle d'Alex Luthor sans moustache. Sauf que Donner lui avait demandé également s'il était prêt à se raser les cheveux pour la cause, ce que Gene Hackman n'a jamais accepté de faire. Et donc, à la fin, lorsque vous voyez la séquence finale où le personnage de Lex Luthor se retrouve sans cheveux sur la tête, on a tout simplement camouflé la chevelure de Gene Hackman avec un faux casque en latex. Du côté de Marlon Brando, eh bien lui, dans son contrat, il avait signé comme quoi qu'il ne devait pas apprendre ses lignes. Il n'était pas question pour lui d'apprendre son scénario. Et donc, lorsqu'il tournait ses séquences, il y avait sur le plateau de tournage des gens qui avaient en leur possession des pancartes sur lesquelles étaient écrits les dialogues de Marlon Brando. La pire situation qui est arrivée, c'est qu'à part un certain moment donné, Marlon Brando doit parler à Carl Hell, qu'il tient à bout de bras dans ses mains. Et Marlon Brando, paresseux, a décidé d'écrire sur la couche du bébé les dialogues qu'il devait dicter. La majorité des scènes de Marlon Brando ont été faites lorsque celui-ci était en pratique. Marlon Brando était un acteur très paresseux, alors le plus vite il pouvait se débarrasser de ses scènes, le plus vite il était heureux. Et ce qu'il avait dit à Donner, c'est « Écoute, Dick, serais-tu possible de filmer des fois qu'on serait chanceux puis que pognerait la bonne séquence? » Et la majorité du temps, dès la première ou la deuxième séquence, Marlon Brando était capable d'aller chercher la séquence la plus parfaite que Richard Donner pouvait espérer de lui à ce moment-là. Lorsqu'il y aura la confrontation des Salkinds avec Richard Donner, à un certain moment donné, les Salkinds vont tout faire pour essayer de faire en sorte que Richard Donner quitte le plateau de tournage, ce que Donner va refuser surtout au travail intensif qu'il avait mis sur la production. Et donc, les Salkinds vont engager un certain Richard Lester qu'ils vont mettre au niveau de la production pour faire le lien entre Richard Donner et les Salkinds, parce que les deux groupes ne se parlaient plus à un moment donné. Richard Lester avait également travaillé avec les Salkinds sur les Trois et les Quatre Mousquetaires. Finalement, comme le veut l'histoire, Richard Donner va réussir à finir le tournage et ça va donner le succès monstre qu'on lui connaît. Mais le problème, c'est que lorsqu'on va vouloir continuer Superman et qu'on va décider de faire la production de Superman 2, malgré le fait que Richard Donner avait tourné plus de 75% des séquences pour Superman 2, eh bien, du côté des Salkinds, on va embaucher Richard Lester pour prendre sa place. Lester qui devra à ce moment-là refilmer la majorité des séquences en question. Lors de la signature du contrat avec Warner Brothers, les Salkinds s'étaient assurés de reprendre les droits télévisuels à partir de 1981. Et donc, les Salkinds vont prendre une entente et retourner à ce moment-là dans la salle de montage pour pouvoir présenter à la télévision ce qu'on appelle le Extended Cut, qui inclut plus de 45 minutes de plus et ce qui va donner une version de plus de 3h08, version que vous pouvez retrouver présentement sur le Blu-ray Disc, mais ça, on va en reparler tout à l'heure. Dès sa sortie, Superman est un succès monstre et il restera à la tête du box-office pendant plus de 13 semaines consécutives. Superman est pour moi sans contredit le plus grand film de super-héros à avoir été réalisé. Et la raison est, il faut revenir en 1970 pour comprendre à quel point ce qu'on a réalisé était totalement incroyable. Et c'est dommage parce que à la fin d'honneur, on l'a poussé. Le film devait sortir en juin 1978 pour souligner le 40e anniversaire de Action Comics. Malheureusement, on n'a pas été capable de respecter cette date-là. Et la date la plus importante de sortie qui suivait par la suite, eh bien, c'était Noël. Et donc, d'honneur a dû terminer son tournage au mois d'octobre 1978 pour une sortie en salle en décembre 1978, ce qui lui a donné seulement moins de 60 jours pour faire la post-production de son long-métrage, alors que normalement, on calcule environ entre 4 et 6 mois de post-production sur un type de film de cette amplitude. Les points forts de Superman sont les suivants. D'abord, sans contredit, l'un des meilleurs films de super-héros de sa génération et un film qui va montrer deux choses. Un, on est capable de faire un film crédible de super-héros. La deuxième chose, les effets spéciaux étaient tout simplement extraordinaires pour leur époque. Des trucages qui sont d'une efficacité impressionnante, notamment lorsque Superman va voler pour la toute première fois. On y croit vraiment, surtout avec le fait que, et c'est là le plaisir de savoir que lorsqu'on a pris Christopher Reeve, on a non seulement hérité d'un acteur qui était capable d'interpréter le personnage, mais Christopher Reeve, dans ses temps libres, était un pilote de planeur, un avion qui n'a pas de moteur, qui est emmené dans les airs par un autre avion à moteur et qui, après ça, est déconnecté et il ne fait que planer sur l'air. Donc, Christopher Reeve avait une certaine sensibilité sur comment voler. Et donc, vous allez remarquer, lorsque Superman vole, il campe son corps. Et ça, ça venait directement de Christopher Reeve, qui est également le point le plus positif de Superman, puisque son jeu est totalement parfait. On croit en Superman à cause de Christopher Reeve, au même titre que l'on croit en Clark Kent à cause de Christopher Reeve, parce qu'il trouve une manière de distancer ces deux personnalités et on le voit prendre l'apparence de Superman et revenir à l'apparence de Clark Kent. Et c'est là la magie du rôle de Christopher Reeve, qui n'était pas seulement un Superman sur grand écran, mais pour ceux qui connaissent son histoire, vous savez également à quel point il a été un Superman dans la véritable vie. D'ailleurs, Christopher Reeve a embrassé le rôle de Superman et il a accepté de continuer ce rôle-là autant dans la vie personnelle que dans la vie du cinéma et de faire en sorte d'en tirer le maximum qu'il pouvait en tirer, même si au niveau de sa carrière par la suite, c'était difficile pour lui d'aller chercher d'autres types de rôles. Christopher Reeve est soutenu par une distribution extraordinaire d'acteurs de métier et là-dedans, c'est vraiment bien de revoir des acteurs comme Glenn Ford, Jackie Cooper, Gene Hackman ou même Marlon Brando, mais c'est également le plaisir de voir des nouveaux comédiens faire leurs preuves, Margot Kidder, Mark Meckler et j'en passe. Donc, une distribution impeccable. D'ailleurs, un autre point positif, c'est la façon que Richard Donner prend le temps de développer sa mise en scène. Il prend le temps de mélanger le dramatique avec l'humour, mais il le fait d'une façon intelligente, ce qui fait que même le scénario est un point positif parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour donner une information. Il y a même des séquences où, à un moment donné, on passe très vite et les dialogues sont directement au point pour nous faire comprendre ce qui s'est passé. Le générique d'introduction, pour moi, est probablement un des plus grands génériques de l'histoire du cinéma. Ça donne le ton au film, ça donne un ton héroïque. Et lorsque vous êtes sur le grand écran au cinéma, faites-moi confiance, vous cherchez votre souffle parce que l'impact visuel est totalement incroyable, surtout rehaussé par la musique extraordinaire de John Williams. Les dialogues sont mordants, il y a un humour qui est vraiment à point, mais ce qui est plaisant, c'est que même si on voit des choses comme le bullying ou même jusqu'à un certain point l'abus du sexe masculin envers le sexe féminin et la femme qui est réduite à quelque chose de moindre que l'homme, la façon que c'est fait d'une manière intelligente, c'est fait d'une façon qui est non irrespectueuse, c'est fait avec respect. Et c'est plaisant parce que même si il y a toujours une querelle entre Lex Luthor et Otis, ça tombe jamais dans, même si c'est par moments ça tombe dans la parodie, ça tombe jamais dans le ridicule. Et bien sûr, Gene Hackman et Ned Beatty sont excellents pour nous amener cette crédibilité-là qui fait qu'on y croit puis que ça dérange pas trop au niveau de l'humour parce que même quand il y a l'humour dans des moments sérieux, ça passe. D'ailleurs, le film est séparé pour moi en 4 points. Vous avez Krypton, qui est extrêmement sérieux. Vous avez la jeunesse de Superman, qui encore là est très sérieuse. Il y a un petit peu d'humour, mais pas tellement. Là, c'est vraiment lourd comme premier 45 minutes jusqu'à l'arrivée de Superman. Mais quand on arrive dans la troisième portion du film, qui est la portion où là on rencontre Metropolis et qu'on retrouve l'aspect Superman, on change complètement de vision et on passe d'une vision très dramatique à une vision très humoristique pour finir avec un film catastrophe dans notre quatrième partie où là Superman va nous démontrer ses pouvoirs tant au niveau humain que surhumain. Mais malheureusement, il y a des faiblesses dans le film. Principalement, la relation entre Lois et Superman, je trouve que par moments, notamment dans la séquence où les deux s'en vont voler dans les airs et que Margot Kidder va chanter « Can you read my mind », ça casse le rythme, puis il y a une longueur qui est fatigante un petit peu. L'autre point aussi que je trouve un petit peu une faiblesse dans le film, c'est qu'on n'explique pas que Superman, il y a eu une période très longue, soit une dizaine d'années qui s'est passée entre le moment où il crée la forteresse de solitude et le moment où il se retrouve à Metropolis. Il y a certains effets spéciaux aussi qui sont un petit peu coussi-coussa, notamment dû au fait justement qu'on a manqué de temps à la production. Et la séquence finale où Superman va comme remonter dans le temps pour sauver la vie de Lois Lane, bien malheureusement, il y a des conséquences qui sont survenues dans les moments catastrophiques qui sont arrivés avec le plan diabolique de Lex Luthor. Et on revient en arrière. Exemple, on a Jimmy Olsen qui se trouve en haut d'un barrage. Il y a un tremblement de terre. Le barrage s'effondre. Jimmy Olsen tombe. Superman va le sauver, va le ramener, va le déposer dans le désert. Puis après ça, il va revenir et changer le temps. Donc, le barrage n'est pas détruit. Mais si le barrage n'est pas détruit, ça veut dire que Jimmy Olsen n'est jamais tombé en bas. Et donc, Superman ne l'a pas amené dans le désert. Sauf que quand on revoit Jimmy Olsen, bien, celui-ci critique Superman pour l'avoir laissé tout seul dans le milieu du désert. Donc, la fin, on voit qu'elle est comme botchée quelque peu. Puis c'est dommage parce que le film était parfait jusque-là. Je trouve qu'on aurait peut-être pu trouver une autre porte de sortie ou du moins changer le scénario puis peut-être essayer de trouver quelque chose de plus réaliste qui aurait fait en sorte que la conclusion aurait été moins botchée. Mais c'est sûr et certain qu'il faut dire que si Superman remonte dans le temps, techniquement, les gens ont oublié tous les effets extraordinaires qu'il a accomplis pour sauver la multitude de gens de ces différentes catastrophes causées par l'explosion de l'ogive nucléaire envoyée par Lex Luthor. Du côté de la musique, eh bien, je le disais tantôt, la trame sonore de John Williams est impeccable. Elle est extraordinaire. D'ailleurs, c'est probablement une des trames sonores les plus adéquates pour un film de super-héros qu'il m'a été donné d'entendre. Mais saviez-vous qu'à l'origine, c'était supposé être Jerry Goldsmith qui nous avait donné La planète des singes et The Omen, qui devait composer Superman. Sauf que le problème, c'est que lorsqu'on a eu des retards de production, eh bien, Jerry Goldsmith a dû se retirer et c'est John Williams, à ce moment-là, qui est arrivé sur place avec le London Symphony Orchestra. Il existe trois trames sonores du film. Vous avez la trame sonore originale qui était sur vinyle, qui a été transférée sur CD avec la compagnie Warner Brothers Records. Puis, par la suite, il y a eu une Limited Remastered Edition pour le 40e anniversaire de Superman qui est sortie à 5000 exemplaires, qui a été sortie par La La Land Records, avant d'avoir le re-recording de la soundtrack de Superman The Movie qui est sortie par Varès Sarabende. Yum, yum. It's a meal in itself. Our all-meat super dog. Enjoy one now. 1 minute left to top off the evening with a treat from our snack bar. Still time if you hurry. Last call for refreshments, folks. Go right this second to get something good to eat and drink to enjoy now or during the rest of the show. The finest quality ingredients are in the fixings of the delicious foods you'll find waiting to tempt your appetite at the snack bar. Extra special good hamburgers, wonderful donuts, ice-cold, thirst-quenching drinks. Pizza, generously sliced, steaming hot, fresh coffee, ice cream in many flavors. And now, on with the show. Vicki Vale. Bruce Wayne. And what do you do for a living? Lieutenant, is there a 6-foot bat in Gotham City? Nice outfit. You look fine. I didn't ask. I have given a name to my pain. What are you? I'm Batman. Where did he get those wonderful toys? My life is really complex. Winged freak terrorizes. Wait till they get a load of me. Batman. Ce film de science-fiction, produit par les studios Warner Brothers, est un film américano-britannique qui est sorti en salle le 23 juin 1989. Le film, d'une durée de 126 minutes, coûtera 35 millions de dollars, mais rapportera 411,5 millions de dollars à travers le monde entier. Au niveau de la réalisation, on retrouve le metteur en scène américain Tim Burton, qui nous a donné Beetlejuice, Sleepy Hollow et Edward Scissorhands. Du côté de la production, on retrouve John H. Peters, qui nous a donné Eyes of Laura Mars et la version 1976 de A Star is Born, ainsi que le producteur américain Howard Peter Goober, qui nous a donné Rain Man, The Color Purple et Midnight Express. Du côté de la scénarisation, c'est le scénariste américain Sam Hamm qui nous avait donné Never Cry Wolf et qui a écrit également Batman Returns, qui écrira pratiquement la totalité du scénario. Cependant, au niveau de la réécriture, nous aurons Warren Scarin, le scénariste américain qui avait travaillé sur Beetlejuice et Beverly Hills Cop 2. Au niveau de la distribution, eh bien, on aura Jack Nicholson dans le rôle du Joker, Michael Keaton dans le rôle du Batman, Kim Basinger dans le rôle de Vicki Vale, Robert Wool dans le rôle d'Alexander Knox, Pat Hinkle en Commissioner Gordon, Billy Dee Williams dans le rôle de Harvey Dent, Michael Goff dans le rôle d'Alfred Pennyworth et Jack Palance dans le rôle de Cal Grissom. Le film commence dans un Gotham City sombre, plongé dans la terreur par le crime organisé. Mais un mystérieux justicier masqué, se donnant l'apparence d'une chauve-souris géante, va s'attaquer au crime, causant la terreur à travers les différents criminels. C'est à ce moment-là qu'on va faire la connaissance de Jack Napier, le bras droit d'un des plus grands criminels de Gotham City, Cal Grissom. Ayant une aventure avec la femme de son patron, Napier va tomber rapidement sous les foudres de ce dernier et va se retrouver dans une usine où il va, après une rencontre avec le Batman, tomber dans une cuve pleine d'acide qui va faire en sorte qu'il va devenir le personnage du Joker. En même temps, une nouvelle photographe journalistique du nom de Vicki Vale arrive à Gotham City et cherche à en savoir plus sur un millionnaire mystérieux du nom de Bruce Wayne. Napier va devenir également le maître incontesté du crime organisé à Gotham City, ce qui va entamer une confrontation entre le super-héros qui est Batman et le super-vilain qui est le Joker. Vers la fin des années 70, la popularité du personnage de Batman était en train de tout simplement disparaître. mais c'est à ce moment-là que les producteurs Benjamin Melnicker et Michael Oslan vont acquérir les droits cinématographiques du personnage à DC Comics. Après avoir signé le contrat le 3 octobre 1979, eh bien, ce sera la première idée de Oslan de tout simplement revenir à une version plus sombre du personnage de Batman, personnage qui avait été créé en 1939 par les artistes Bob Kane et Bill Finger. Le scénariste Richard Maybaum va être approché à ce moment-là pour écrire le scénario et Guy Hamilton sera approché pour être le réalisateur, mais après avoir regardé le projet, les deux vont tout simplement se retirer. Déçu, Oslan va écrire une histoire qui va s'appeler « Return of the Batman », où est-ce qu'à ce moment-là, ça va donner une idée de sa vision du film. D'ailleurs, Oslan serait très surpris de voir, quelques années plus tard, un certain Frank Miller écrire un graphic novel intitulé « The Dark Knight Return » qui reprenait ses idées de base, c'est-à-dire un sujet sombre, un personnage beaucoup plus violent. On revenait tout simplement aux origines du Batman. En novembre 1979, les producteurs John Peters et Peter Gruber vont alors se joindre au projet. Les quatre hommes vont alors s'asseoir autour d'une table et vont prendre comme projet de base le film de Superman de 1978. Voyant à quel point la production avait marché sur Superman, on tenait à réaliser quelque chose dans le même style de concept, c'est-à-dire un film sérieux avec peut-être un peu d'humour à travers, mais rajouter une ambiance beaucoup plus sombre que le film de Superman et ainsi créer quelque chose de totalement différent. On va alors visiter les studios Universal, mais ceux-ci vont écarter de la main le dit projet. Et malgré le fait qu'on n'avait pas trouvé de studio pour faire la production, on s'était entendu sur un budget d'environ 15 millions pour réaliser le dit film. Durant le Comic Art Convention en juillet 1980, eh bien, les gens de Warner Brothers, qui avaient produit le film Superman The Movie en 1978, décidèrent d'accepter le projet de Batman. Tom Mankiewicz va alors compléter le premier jet du scénario qui va s'intituler The Batman en juin 1983, qui va beaucoup plus focusser sur le personnage de Batman et les origines de Dick Grayson, qui est également connu sous le nom de Robin. Le vilain d'origine était toujours le Joker, mais il y avait également Rupert Thorne et on voulait également rajouter le personnage de Silver St. Cloud comme intérêt romantique pour Bruce Wayne. L'inspiration du scénario de Mankiewicz était tirée directement de la série limitée Batman Strange Apparitions. C'est à ce moment-là qu'on va donner un budget de 20 millions de dollars du côté de Warner Brothers et on désirait avoir un acteur inconnu pour interpréter le personnage de Batman. C'est à ce moment-là que deux réalisateurs vont entrer dans le projet, soit Ivan Reitman, qui nous avait donné Ghostbusters en 1984, et le réalisateur Joe Dante, qui nous avait donné Gremlins. Du côté de Reitman, on voulait engager Bill Murray comme Batman et Eddie Murphy comme Robin et faire un genre de comédie humoristique. Mais tout de suite, Warner Brothers voit qu'on s'en va vers un projet style Batman de 1966 et on met un terme directement au projet. Du côté de Dante, bien, c'est à peu près la même chose. On voulait faire quelque chose d'un petit peu plus enfantin, mais du côté de Warner Brothers, on décide de se retirer. On va même aller contacter Wes Craven après la réalisation du film Swamp Thing en 1982, mais encore là, la vision du réalisateur ne correspond pas avec celle des producteurs. C'est après le succès financier de Pee-wee's Big Adventures que Warner Brothers a l'idée de tout simplement embaucher Tim Burton comme réalisateur du film de Batman. Burton va alors écrire avec sa petite amie du moment, Julie Hickson, un traitement du film d'environ 30 pages pour montrer au producteur sa vision des choses. Tout de suite, le déclic va se faire et on va rapidement comprendre que du côté de Tim Burton, on a le bon metteur en scène pour s'en aller dans la direction où on veut aller. Cependant, on n'est pas encore certain de la force du réalisateur parce qu'il n'a réalisé qu'un seul film jusqu'à présent et il était en train de travailler sur la réalisation de son second film qui était Beetlejuice. On va mettre le film sur la glace, le temps de voir comment le film Beetlejuice va se comporter au niveau du box-office et lorsque ce sera un succès, on va donner carte blanche à Tim Burton qui, lui, va se retrouver à la tête de son premier gros film. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va paraître un petit peu sur les premières journées de tournage parce que, justement, Burton va arriver sur le plateau extrêmement nerveux car il sait très bien qu'il a devant lui une chance incroyable qu'il ne faut pas qu'il manque. Et là, Burton va commencer à prendre des décisions. La première décision sera de prendre l'acteur Michael Keaton, qui à ce moment-là était connu principalement pour ses jeux de comédie, que ce soit surtout avec Mr. Mom, Touch and Go, Gung Ho, Johnny Handsome et bien sûr Beetlejuice. La décision de mettre Keaton en avant-plan va faire en sorte que les fans vont voir apparaître une nouvelle problématique. Ils vont se dire, bon, on nous a promis quelque chose d'autre que la version de 1966. On nous avait promis quelque chose de sérieux, mais avec Michael Keaton, on a de l'air à vouloir se rendre du côté du slapstick, donc de la comédie. Et on aura plus de 50 000 lettres de protestation qui seront envoyées au bureau de la Warner Brothers afin de mettre un terme à cette idée de mettre Michael Keaton dans le rôle de Bruce Wayne. Bob Kane et même Michael Ostlund sont également contre cette décision du casting, mais Tim Burton va défendre sa décision en disant « Écoutez, dans ses yeux, il y a le personnage de Batman. Dans ses yeux, vous allez voir le personnage de Bruce Wayne. Dans ses yeux, vous allez voir chez Michael Keaton la douleur et la souffrance d'un personnage qui a perdu ses parents et qui cherche une vengeance. » La femme responsable du casting va tout simplement prendre le producteur Michael Ostlund et l'amènera au cinéma voir un film qui s'appelle Clean and Sober, dans lequel Michael Keaton jouait le rôle d'un alcoolique et d'un drogué qui cherchait à se sortir de ses démons. Tout de suite, le producteur va voir que Michael Keaton est capable de jouer un rôle sérieux et va donc accepter la décision de Tim Burton. De l'autre côté, bien Tim Burton va approcher bien sûr Sam Hamm, un fan de comic book, afin d'écrire le scénario du film. On décide de remplacer Sam Cloud par Vicki Vale. On va décider de mettre au vidange Rupert Thorne et tous les vilains comme le Pingouin et tout ça. Et on va se débarrasser du personnage de Dick Grayson qu'on va mettre tout simplement en caméo pour le moment avant qu'il soit totalement éliminé de l'histoire. On va beaucoup plus se concentrer sur le personnage du Joker ainsi que sur le personnage de Bruce Wayne. Et très rapidement, à cause de la relation avec les deux et l'arrivée de Vicki Vale, on voit que le personnage de Dick Grayson n'a plus vraiment d'importance et donc on va le faire disparaître du scénario à ce moment-là. Afin de redonner confiance aux fans, eh bien, tout de suite, Tim Burton va engager Bob Kane comme consultant créatif, mais en même temps, on va tout de suite, par la suite, annoncer l'arrivée de Jack Nicholson dans le rôle du Joker. Une décision qui, à ce moment-là, va donner beaucoup plus d'importance au film parce que là, on va commencer à voir que la production de Batman est quelque chose de très sérieux. D'autant plus que, du côté de Jack Nicholson, on va accepter le rôle du Joker sous certaines conditions, dont, bien sûr, un important salaire, une partie des recettes du box-office et également la mainmise sur des revenus en rapport avec le merchandising, c'est-à-dire la vente d'accessoires promotionnels et également une programmation à l'avance de son temps de tournage parce que notre ami Jack Nicholson voulait bien sûr tourner ses séquences le plus rapidement possible. Petite anecdote là-dessus qui est très importante sur l'arrivée de Jack Nicholson, c'est quand on a présenté le projet à l'acteur, eh bien, Nicholson a d'abord refusé. On s'est alors tourné vers l'acteur Robin Williams, mais le problème, c'est qu'on est retourné voir Jack Nicholson en disant, « Bien, écoute, Jack, si tu le fais pas, Robin Williams est prêt à le faire. » Et c'est à ce moment-là que Jack Nicholson a accepté de prendre le rôle. Là-dessus, Robin Williams a été beaucoup échaudé et il a toujours refusé de jouer dans un film de la Warner Brothers tant et aussi longtemps que les studios ne lui feront pas des excuses publiques et qu'ils n'avoueront pas aux gens qu'on s'est servi de lui pour embaucher Jack Nicholson. Du côté de Kim Basinger, au niveau de la distribution, est un autre choix qui va montrer le sérieux du type projet. En effet, Kim Basinger a été, dès le départ, la personne qu'on avait choisie pour interpréter le personnage de Vicki Vale. Cependant, son agent ne voulait rien savoir et on s'est retourné vers l'actrice Sean Young. Malheureusement, durant une pratique d'une séquence dans laquelle Bruce Wayne et le personnage de Vicki Vale devaient faire du cheval, Sean Young va tout simplement tomber en bas de son cheval et va se blesser gravement, faisant en sorte qu'on a contacté rapidement Kim Basinger pour que celle-ci se déplace en dedans de 48 heures et se retrouve à Londres pour le début du tournage. Un autre acteur qui survient au niveau de la production, c'est l'acteur Billy Dee Williams, que l'on a connu pour Lando Calrissian dans Star Wars Empire Strikes Back. La raison qu'on avait pris Billy Dee Williams à l'époque, c'était qu'on voulait apporter un personnage beaucoup plus profond au niveau du personnage de Harvey Dent, qui est connu aussi également sous le nom de Two-Face. Bien sûr, lorsqu'on arrivera au film Batman Forever en 1995, eh bien, on va signer une entente pour faire en sorte que Billy Dee Williams abandonne l'idée d'interpréter le personnage. Donc, on va lui donner un montant d'argent X pour couvrir les pénalités. Et on va lui promettre d'interpréter plus tard le personnage de Two-Face. Mais on ne savait pas à ce moment-là ce que ça allait être. Et bien sûr, on le sait tous aujourd'hui que Billy Dee Williams faisait la voix du personnage de Two-Face dans The Lego Batman Movie en 2017. C'est également en 1995 qu'on va décider d'embaucher Tommy Lee Jones pour interpréter le personnage d'Harvey Dent. Donc, ça peut, dans la quadrilogie, peut-être amener à une certaine confusion. Et je pense que la seule façon de voir ça, c'est de considérer que les deux personnages Harvey Dent ne sont pas les mêmes personnages. Donc, le Harvey Dent qu'on voit avec Billy Dee Williams est un personnage qui est politique, alors que le Harvey Dent interprété par l'acteur Tommy Lee Jones est le Harvey Dent que l'on a connu pour le comic book. Très rapidement, on va mettre au cinéma une bande-annonce de 1 minute et demie, bande-annonce qui va tellement être populaire qu'il y a des gens qui étaient prêts à payer pour aller voir des films juste pour aller voir la bande-annonce. Donc, au niveau des fans, on appelait les salles de cinéma pour savoir à quelle heure qu'on présentait la bande-annonce de Batman 89, et les gens payaient le ticket pour rentrer voir un film qu'ils n'avaient pas l'intention de regarder, juste pour s'asseoir dans la salle et regarder la bande-annonce. Et ça a été une des bandes-annonces les plus populaires à ce niveau-là de toute l'histoire du cinéma. D'ailleurs, ça va créer un momentum à un point tel que le film, qui devait à l'origine avoir un budget, rappelez-vous, de 15 millions, puis qui est passé à 20 millions, va passer finalement à 30 millions et va terminer à plus de 48 millions. Du côté de Jack Nicholson, on calcule qu'avec toutes les recettes, les pourcentages, les ci et les ça, il a ramassé un salaire qui tourne autour du 60 millions de dollars. Le succès du film de Batman va changer complètement la vision des films de super-héros à ce moment-là, puisque l'ambiance sombre et violente du film va influencer beaucoup ce qui va se faire à la télévision par la suite. Pensez à tout simplement des séries comme The Flash ou même encore les films qui vont sortir au cinéma de super-héros. On n'a qu'à penser à Blade et aux autres films qui vont suivre par la suite. Donc, cette ambiance sombre du Dark Knight va demeurer et même les villes vont ressembler pratiquement à chaque fois à la ville de Gotham City comme on le voyait dans le film de Batman 89. Il sera important de noter que le film sera mis en salle l'année du 50e anniversaire du personnage du Batman. Le succès du film va donner, bien sûr, naissance à 3 autres films, donc qui compléteront la quadrilogie, mais également à la série télé Batman The Animated Series, qui sera produite par Warner Bros. Animation, sur laquelle on va se baser sur le look, bien sûr, de Gotham City, mais également sur les véhicules. Donc, on va reproduire la Batmobile qu'on avait dans le film, le Batplane. On va garder certains concepts du film de Tim Burton, mais on voit ici que le film de Tim Burton va tout changer au niveau de l'univers de Batman, qui va même, au niveau du comic book, devenir de plus en plus sombre parce qu'on va de plus en plus reproduire ce qui a été mis au cinéma. Du côté des points forts de Batman 89, c'est très simple, la distribution. Il faut parler de Jack Nicholson, qui est totalement brillant dans le rôle du Joker, et de Michael Keaton, que je considère encore aujourd'hui comme étant le meilleur Bruce Wayne et le meilleur Batman qui a été au cinéma. D'ailleurs, un point tel que tous les acteurs qui interprètent le personnage de Batman présentement, que ce soit Ben Affleck, que ce soit Christian Bale, ils reproduisent ce que Michael Keaton a fait, c'est-à-dire changer sa voix lorsqu'il devient le Batman, avoir une prestance où est-ce qu'il est un peu, si vous me pardonnez l'expression anglophone, stiff. De plus, la façon qu'il interprète le personnage de Bruce Wayne est vraiment sublime parce qu'il nous montre à quel point cet homme-là était tellement intelligent que quand c'est des choses qui sont complexes, il va être capable de se concentrer pour trouver la solution. Mais quand c'est des choses aussi ridicules que de poser un verre sur une table de billard ou de tout simplement poser un crayon par terre puis qu'il décide de planter dans une statue, on se rend compte que cet individu-là a des priorités et que les choses qui n'en sont pas n'ont aucunement d'importance pour lui. Au niveau des effets visuels, encore là, un film qui a beaucoup d'impact. Il n'y a pas d'effets spéciaux faits en numérique dans ce film-là. Donc, tout est fait live, tout est fait en réel. Il y a du matte painting. Tout est beau dans Batman 89. C'est un visuel époustouflant qui, encore aujourd'hui, quand vous l'écoutez, fait en sorte que le film s'écoute encore très bien et que je considère être probablement un, sinon le meilleur Batman qui a été fait jusqu'à présent. L'ambiance sombre, comme je disais tout à l'heure, est extrêmement importante. C'est un point qui est très fort dans ce film-là, mais il y a des points faibles dans le Batman 89. D'abord, il faut spécifier qu'il y a eu la grève des scénaristes au moment où le film a été tourné, ce qui explique pourquoi tantôt je vous disais qu'il y a un scénariste qui a été embauché pour réécrire le scénario, parce que le scénariste du film n'avait pas le droit de se rendre sur le plateau de tournage pendant la grève. Et donc, à ce moment-là, on avait engagé un autre scénariste qui ne faisait pas partie de l'union pour réécrire des séquences. Ça paraît, parce que le scénario, des fois, souffre de beaucoup de faiblesses et ça brise même le rythme par moment, parce qu'on a l'impression de voir un film qui est plus à aspect segmentaire qu'un film qui a une histoire qui va vraiment bien glisser. L'autre chose aussi, c'est que tous les personnages qui sont secondaires, bien, sont des personnages auxquels on ne s'attache pas. Que ce soit Pat Inkles dans le rôle de l'inspecteur Gordon, que ce soit le personnage de Knox, qui est un personnage à complètement oublier parce qu'il n'a aucune importance, que ce soit le personnage d'Harvey Dent, où est-ce qu'on a un bon acteur comme Billy Dee Williams, mais on voit que sa prestation n'était pas importante parce qu'on voulait prendre tout simplement ce personnage-là et le rendre plus important plus tard, ce qui a été rapidement oublié. Mais tous ces personnages-là tombent fades et c'est dommage, parce qu'on aurait pu faire quelque chose de plus intéressant. Je dirais que la grosse faiblesse de Batman, c'est bien sûr le personnage de Vicki Vale, parce que l'interprétation de Kim Basinger est vraiment coup-ci, coup-ça. Je pense que Kim Basinger n'avait pas sa place dans ce film-là. Je pense qu'on aurait pu avoir une meilleure actrice à sa place. Et le fait d'avoir Sean Young aurait pu donner vraiment un autre type d'interprétation, même avoir un personnage à la Vicki Vale beaucoup plus intelligent qu'a de l'air moins nounoune. Parce que Vicki Vale, on a l'impression qu'elle a de l'air nounoune, même si c'est une femme extrêmement intelligente. On le sent pas dans le film. On sent vraiment que c'est un personnage qui est faible. Puis on devrait voir ce personnage-là comme un personnage fort, mais on n'est pas capable de le voir comme ça. Et l'autre point faible, bien, c'est que malheureusement, Jack Nicholson vole le show. Donc, ça efface complètement tout ce qui se passe autour de lui. Et ça, on fait juste s'amuser avec le Joker, mais ça, justement, enlève un certain intérêt au reste de l'action par moment, parce qu'on a juste envie de voir les prochaines blagues que le Joker va nous sortir au lieu de ce qu'on concentré sur le film en question. Au niveau de la musique, c'est important de savoir que Danny Elfman, à l'origine, eh bien, les gens de la Warner Brothers n'étaient pas vraiment contents de le voir là. Parce que Danny Elfman était un jeune concepteur de musique, mais il n'avait jamais encore fait de grosse musique de film. Donc, lorsque les gens de la Warner se rendent chez Danny Elfman, eh bien, Elfman va commencer à expliquer ce qu'il veut faire pour le film. Mais la conversation entre un concepteur de musique et un réalisateur, c'est une chose. Entre des gens qui avancent de l'argent puis qui ne connaissent pas vraiment comment le langage se situe, bien, c'est une autre chose. Et lorsque le producteur John Peters se rend là avec, bien sûr, Tim Burton pour rencontrer Danny Elfman et entendre parler de la musique du film, bien, Peters, au moment où est-ce que Danny Elfman est en train d'expliquer ce qu'il veut faire, est en train de chercher un remplaçant parce que pour lui, ça ne fonctionne tout simplement pas. Il ne comprend pas ce que Danny Elfman essaie de lui dire. Et jusqu'au moment où Tim Burton va dire à Elfman, « Veux-tu faire jouer la marche? » Et c'est cette marche-là qui va vendre le poste à Danny Elfman, que fait en sorte que la musique du film de Batman, sans ça, vous n'avez pas de film. Ça fait partie du personnage du long-métrage. Et vous allez remarquer que non seulement Danny Elfman s'en sort très bien, mais lorsqu'il va refaire ça pour Batman Returns, il va compléter même, mais ça, on en reparlera pour Batman Returns, mais il va compléter le personnage de la femme chat avec sa musique, montrant à quel point cet homme-là est un homme extrêmement talentueux. Il est important de souligner qu'il y a eu deux trames sonores qui ont été lancées pour le film. Il y a eu, bien sûr, les tracks instrumentales qui étaient créés par Danny Elfman, mais on voulait créer également une deuxième trame sonore du film dans laquelle on voulait mettre de la musique de Prince mélangée avec de la musique de Michael Jackson. De ça, restera seulement l'interprétation de Prince, même si Danny Elfman n'était pas vraiment d'accord, tout comme également le réalisateur Tim Burton. Cependant, lorsque Tim Burton va entendre les chansons que va avoir créé Prince, d'ailleurs, Prince va créer un album complet pour de Batman, même si seulement trois de ces chansons-là vont être utilisées dans le film, il va accepter de le faire parce qu'il va se rendre compte que, justement, il y a de la qualité là-dedans. On va revenir en arrière et on va s'asseoir sur notre chaise et prendre la place du producteur John Peters, qui, à ce moment-là, va entendre pour la première fois de sa vie la marche du Batman interprétée par Danny Elfman. Côté de la cote du film, Superman est coté 4 par Mediafilm. Moi, personnellement, je le cote 3. Je trouve qu'avec le temps, Superman a gardé sa qualité. De 1978 à aujourd'hui, le film s'est amélioré. À mon point de vue, un des meilleurs, sinon le meilleur film de super-héros. Au niveau de l'âge, c'est un film pour tous, que ce soit à l'époque de 1978 ou aujourd'hui, c'est un film pour toute la famille. Pour ceux qui désirent se procurer le film, bien, vous saurez qu'il existe en DVD, en Blu-ray et en 4K. Vous avez une version TV de 3 heures qui existe sur le coffret de Blu-ray. Mais checkez ça, il y a plusieurs versions qui existent sur le marché présentement. Vous avez l'anthologie complète dans un même coffret. Vous avez des éditions simples. Vous avez différentes éditions de Superman qui existent avec différents documentaires ou des deleted scenes. Donc vous avez de quoi vous amuser. Et techniquement, vous devriez facilement être capable de vous procurer le long-métrage. Du côté des cotes artistiques de Mediafilm, Batman a une cote numéro 3. Moi, je lui donne une cote numéro 4 à cause de la faiblesse au niveau des scénarios. Au niveau de son âge et de son contenu, bien, c'est sûr, à l'époque, c'était très indicatif. Donc, moi, je lui donne une cote de 14 ans également parce qu'il y a quand même l'aspect de violence. Au niveau de la disponibilité en format DVD et Blu-ray,